Avis de l'éditeur. MarkMDanarchive.org, d'après la numérisation de l'Université d'Ottawa, des œuvres complètes de Saint-Augustin. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Je voudrais joindre ensemble Saint-Augustin et Saint-Chrysostome, l'un élève l'esprit aux grandes considérations, l'autre le ramène à la capacité du peuple. In, Bossuet édition de Bar-le-Duc, 11, 441. D'après le témoignage de tous les maîtres, Saint-Augustin tient le premier rang parmi les pères, aucune autorité, en dehors de l'évangile et des apôtres, n'est comparable à la sienne. Bossuet ne s'en séparait ni le jour ni la nuit, il avait mis en morceaux son exemplaire des œuvres de Saint-Augustin, il le cite sans cesse, et c'est surtout de ce merveilleux et profond génie qu'il s'était nourri. L'évêque d'Hippone est indispensable à quiconque veut pénétrer un peu avant dans la connaissance des vérités chrétiennes. Et quant à ceux qui désirent se former dans l'éloquence sacrée, ils doivent surtout lire saint Augustin et saint Jean Chrysostome. Bossuet le leur conseille. Ces deux pères de l'Église ont un caractère différent. Celui qui a été surnommé Bouche d'or est plus éloquent, l'évêque d'Hippone est plus profond et plus sublime, mais, Bossuet veut qu'on les joigne ensemble. Note. Sur le style et la lecture des écrivains et des pères de l'Église, pour former un orateur, écrit publié pour la première fois par Monsieur Floquet, tome 11, page 440 de mon édition. Après avoir édité Bossuet, j'édite donc simultanément, je joins ensemble les deux modèles qu'il a si glorieusement suivis, et qu'il recommande. Ces trois publications sont semblables de tout point, même format, même papier, même caractère, portraits en taille douce des trois immortels évêques, leur histoire, seuil nécessaire pour entrer dans leur pensée. Il ne s'agit pas ici de petites biographies, mais de véritables histoires, qui font autorité, et je pourrais ajouter, qui sont considérées comme des chefs-d'œuvre. Histoire de Bossuet, par le cardinal de Bossuet, Histoire de saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, par Monsieur l'abbé Martin, d'Agde. Histoire de saint Augustin, par Monsieur Poujoula, qui a fait le voyage d'Afrique et longtemps étudié les écrits de son héros, recueillant partout les moindres traces de cette illustre vie. L'histoire de saint Augustin, placé en tête de la traduction française des œuvres de ce grand homme, a été approuvé par Monseigneur Affre, de glorieuse mémoire, couronné par l'Académie française, et traduite dans les principales langues de l'Europe. J'ai toujours eu soin, dans mes publications, et ce sera pour moi une règle constante, de m'adresser à des hommes non seulement capables, mais d'une compétence spéciale. Le nom de Monsieur Poujoula demeure désormais inséparable du grand nom de Saint-Augustin, et Monsieur Louis Moreau s'est créé, par ses travaux, les titres les plus sérieux à l'estime du public. J'ai acquis le droit de reproduire diverses traductions de Saint-Augustin faites par ces deux écrivains. Elles seront plus parfaites encore parce que les deux auteurs les ont revues. D'autres noms, inscrits en tête de mon édition, sont aussi des garanties considérables de doctrine, de science et de goût. Monsieur Poujoula et Monsieur Labéraud, anciens professeurs, aumôniers de l'asile de Fin, Meuse, dont le public a remarqué le travail d'ordre et d'annotation dans mon édition de Bossuet, et qui est très versé dans l'étude de l'Écriture sainte. Des pères de l'Église et de la théologie se sont chargés de revoir toutes les traductions, afin que la langue de saint Augustin y respire exactement et pleinement, et que cette édition fasse pour ainsi dire autorité. Avant chaque écrit, on en trouvera une analyse raisonnée comme dans mon Bossuet et mon Saint-Jean Chrysostome. Quant au classement des matières, tout en nous préoccupant de l'ordre logique, nous nous sommes, autant que possible, attachés à l'ordre des temps, d'après l'édition même des bénédictins dont la place est faite depuis si longtemps. Le dernier volume se termine par les tables, table alphabétique des innombrables matières traitées dans les écrits de saint Augustin, table des passages de la Sainte Écriture commentés par lui. Il me reste à devancer un reproche, pourquoi, me dira-t-on, traduire en français des ouvrages que le clergé lirait en latin? Je pourrais faire observer que l'idée de traduire les pères n'est pas une innovation dans l'Église, et, sans sortir du cercle des trois grands docteurs que j'ai dites, rappeler cette remarquable prière adressée par saint Augustin à saint Jérôme. Nous vous en supplions, et toute la société lettrée des églises d'Afrique vous en supplie avec nous. Ne craignez pas de consacrer vos soins et votre application à traduire ceux des auteurs grecs qui ont le mieux interprété nos écritures. Vous pouvez faire ainsi que ces grands hommes deviennent notre propriété comme ils sont la vôtre. Lettre 28, numéro 2. Bossuet lui-même, dans cet écrit jusqu'alors peu connu qu'il commence ainsi. Pour la prédication, il y a deux choses à faire principalement. Former le style, apprendre les choses. Ajoute, à l'égard de saint Chrysostome. Son ouvrage sur saint Matthieu l'emporte, à mon jugement. Il est bien traduit en français, et on pourrait tout ensemble apprendre les choses et former le style. Tome 11, page 440 à 442. Je préfère envisager l'objection en elle-même, peut-être serait-elle fondée si elle concernait les traités de théologie scolastique ou les ouvrages uniquement destinés aux ecclésiastiques et aux savants. Aussi les « je évitais en publiant en latin les dogmes théologiques du Pépéto », les annales ecclésiastiques de Baronniu. Agir autrement, ce serait déshabituer le clergé de la langue de l'Église. Mais traduire saint Augustin, ce n'est pas détourner le lecteur du texte latin. C'est l'y préparer. Les traducteurs n'ont point pour but de suppléer le texte, mais d'inviter à le lire et de rendre cette lecture plus facile, car elle ne l'est pas toujours. Si je ne l'ai pas mis en regard du français, c'est qu'il se trouve dans toutes les bibliothèques et qu'on se le procure à très bon marché chez Monsieur l'abbé Migne. Quelquefois le temps manque pour lire le latin, dans la traduction française on parcourt rapidement une homélie, un traité pour le besoin du moment. C'est le français, et non le latin, qu'un ecclésiastique tâchera de conseiller, de prêter aux gens du monde, qui trouveront, dans les plus beaux écrits de saint Augustin, de quoi éclairer leur intelligence et nourrir délicieusement leur piété. Il y a aujourd'hui dans la société française et parmi les gens du monde du plus haut rang un goût marqué pour les lectures sérieuses et pour l'étude des monuments du christianisme. Il est impossible de leur demander de lire saint Augustin en latin. Il leur faut donc une traduction française, car ne pas lire saint Augustin, ce serait rester étranger aux plus grands efforts de l'esprit humain en faveur de la vérité. Note. Louis Guérin, imprimeur-éditeur. Bar-le-Duc le 1er avril 1864. Extrait de l'histoire de saint Augustin par Jean-Joseph François Poujoula. Et de Monsieur et l'abbé Jean-Baptiste Rau, chapitre 17e. Dans l'appréciation des ouvrages d'Augustin appartenant à l'année 400, nous n'avons pas cité encore la plus importante de ses compositions, l'immortelle peinture du cœur humain, appelée Confession. Nous avons puisé dans cette œuvre des faits et des couleurs pour mettre rapidement sous les yeux de nos lecteurs la jeunesse du grand penseur catholique. Mais il y a quelque chose de plus qu'une confession dans ce prodigieux monument de l'humilité et du génie d'Augustin. Après qu'il a raconté la mort de sa sainte mère, Augustin ne raconte plus rien, c'est à ce sépulcre, creusé à l'embouchure du Tibre, qu'il termine sa propre histoire. Alors commencent des considérations sur les facultés de l'homme, sur les merveilles de la mémoire, un examen de conscience, plein de vues profondes au sujet des trois vices ou passions. Volupté, curiosité, orgueil, nous trouvons d'ardentes prières à Dieu. Pour comprendre les saintes écritures, ce firmament étendu au-dessus de l'homme, nous trouvons des recherches tour à tour ingénieuses, hardies et sublimes, sur la nature du temps et le caractère de l'éternité. La première moitié de l'ouvrage est l'histoire de l'âme humaine, cherchant la vérité et le bonheur loin de Dieu, et ne trouvant enfin la vérité et le bonheur qu'en Dieu. Le dernier tiers du livre des Confessions égale, s'il ne le surpasse, tout ce que la philosophie a produit de plus élevé, de plus profond. À notre avis, jamais l'infini de Dieu et les abîmes de l'homme n'ont été scrutés avec plus de pénétration et de force, et la beauté transparente du langage est toujours digne de la grandeur des pensées. Le vol de l'aigle africain devient quelquefois si audacieux, que nous ne le suivons plus qu'avec une sorte d'épouvante, il nous conduit à des hauteurs devant lesquelles on sent de l'effroi, comme à l'approche de la majesté de Dieu. Ceux qui ont beaucoup lu Bossuet reconnaîtront que le grand évêque de Meaux avait soigneusement étudié le grand évêque d'Hippone dans ses confessions. L'élévation sur les mystères, cette œuvre capitale du génie de Bossuet, nous semble avoir son idée première, son germe magnifique dans plusieurs chapitres de la seconde moitié des confessions. Comme le discours sur l'histoire universelle est né de la cité de Dieu, dont nous parlerons plus tard. Le livre des confessions, écrit dans le pays d'Afrique, aux dernières lueurs de la civilisation romaine, excite la surprise et nous apparaît comme un tour de force du génie. C'est à la fois un beau poème, une belle histoire, un beau traité de philosophie. Nous croyons qu'un homme véritablement intelligent, quel qu'il pût être, pourvu qu'il fût sincère, ne pourrait pas lire et méditer ce livre sans devenir chrétien. Nous n'ajouterons rien de plus sur un ouvrage que tout le monde a lu.